reposer sur ta présence. Je désire environner de ta gloire à jamais. Répands sur nous ta rosée, sois authentique parmi nous. En ton nom restons nos vies à jamais. Sur nous ta rosée, repense sur nous ta rosée. Sois authentique, sois parmi nous. Authentique parmi nous. En ton nom restons nos vies. En ton nom restons nos vies. Jamais, jamais. Sous ta nuée. Environné de ta gloire à jamais. Être là où tu es, Seigneur. Être plus près de toi, Yahweh. Oh, oh, oh, oh. Oh, sous ta nuée, vie, Seigneur. Oui, que ta gloire couvre nos imperfections. Le désir.